s'asseoir qu'à l'improviste, stack. Je frappe à ma porte, toc toc. Sans réponse, je pousse le loquet. J'écoute gémir le hamac, grincer les ressorts du paddock. J'avance dans le black out et mon Kodak impressionne sur les plaques sensibles de mon cerveau une vision de claque. Je sens mon rythme cardiaque qui passe brusquement à Mach 2. Sous un électrochoc. Elle était entre deux macaques du genre festival à Woodstock. Elle semblait une guitare rock à deux jacks. L'un a son trou de but, l'autre a son trou de balle. Crac. Doc, qui, moi, paranoïaque, demandez donc un peu au vioc qui est portier de nuit au rock, si hôtel, si je débloque. C'est là, à jamais, sur le bloc, note de ma mémoire, black sur white. Quoi que je fasse, ça m'en viendra en flashback, bordel, jusqu'à ce que j'en recule.